Je suis la chair, je suis la peau et je suis les os. Je suis la nouvelle manne et l'ancienne pourriture. Pour autant, autour de nous, les arbres portent encore des feuilles à leurs branches. La mousse envahit le sol. Sur les hauts de cette terre où subsiste les vestiges du passage des hommes. Autour de la ruine dans laquelle nous nous sommes arrêtés, avec World Crescent, monsieur qui conduit le pick-up et qui nous a invités à nous reposer dans la maison effondrée. On a commencé à manger. Nous avons distraitement manipulé les feuilles sur laquelle notre chauffeur a pris l'habitude de noter ce qui marque le voyage, les feuilles de son almanach. L'almanach qu'il nous a présenté est un recueil d'une myriade de petites feuilles. Lesquels il a noté une écriture serrée, des instants ça, c'est dans une petite boîte qui ne file pas, qui était posée à côté de lui, alors même qu'il conduisait le véhicule loin des dangers de Marly Gaumont. Et il nous a offert de partager avec lui les feuilles et le thé qui va avec de son almanach. Et nous sommes non plus dans la maison qui, dont il émane une étrange présence qui se fond avec les images troubles et les souvenirs vagues que nous détenons encore de l'îlot de Poulot-Condor ou de la lointaine, encore trop lointaine, Little Hope. Face à ce qui devait être un chemin de schlitt qu'utilisaient les gens du cru pour les besoins des sartages pour s'être installés ici. Mais il ne reste plus que des amas de mousse et les feuilles qui circulent entre nous, qui subsistent des passages dont Quoc se rend témoin. C'est la feuille, celle que je te donne. C'est la fête que t'as remise, Quoc. Et comme tu peux le voir, il y a mis son nom. Le fait, lorsque tu saisis cette feuille, elle a quelque chose comme toutes les autres, comme toutes celles que nous avons été amenés à toucher. Elles sont dans cet écrin, cette boîte en fer blanc. Elles reposent et ont quelque chose d'intemporel. Elles ne sont pas comme les feuilles vertes pleines de sève, mais elles ont un lustre, une patine, et elles témoignent d'un temps enfoui, d'une ligne de vie, comme les nervures qui sont figurées dans la feuille. À quoi cela renvoie chez toi ? Pas grand chose, à part que ces petites traces ressemblent à des chemins. Sauf que ce chemin ne se croise pas. Ils sont tous séparés. Et celui qui les relie tous, il ne mène à nulle part. toi, que vois-tu? C'était bizarre. C'est... Pourquoi tu dis ça? Ah, ils sont mauvais de la bouche. Comme tout le monde ici. Mais lui, ils sont très très mauvais de la bouche. Comme s'il avait mangé quelques viandes noires et que il aurait l'intérieur tout gâté. Montre ta feuille. Et quand tu montres ta feuille, moi je serre mes petites mains contre les tiennes. Elles sont toutes petites. Elles ont du mal à faire le tour de tes mains. Et je trouve et j'arrête mon geste. Tu vois le blanc de mes yeux, les yeux qui se révulsent, la tête qui part légèrement en arrière, je semble avoir un vertige. Tu vois pas quelque chose de tout sombre qui semble monter à moi, dans ses yeux comme ça, comme si ses yeux étaient en train de couler dans le monde. Et moi, j'en vois pas. Et moi, quand je le regarde, quand on est, on allait remonter dans la voiture, je me suis dit qu'on allait sombrer dans les méandres d'une rivière noire et que c'est lui qui nous guidait. C'est vrai qu'il faut sans doute pas trop faire attention, confiance en lui, mais bon. Comment dire qu'on n'a pas vraiment le choix? Il faut rester tous ensemble et se méfier de lui, je pense. Tu as l'air inquiète, et même plus inquiète que je ne le suis encore. Je ne suis pas accoutumé à ça. Donc, c'est compliqué, tu pourrais pas comprendre. Je veux bien essayer. Si je te l'expliquais, tu me prendrais pour une folle. Bah non, tu es top. Crois-moi. Tu sais plein de choses que moi je sais pas. Crois-moi que si. Tu vois quoi là-dessus? Je vois ces trois phrases. Ils naquirent, ils souffrirent, ils moururent. Attends, c'est pas ce que je vois moi. Je vois juste trois mots. Chaque mot est une phrase, je me reviens. Quoi? Un rouge, gorge projet de corruption, Mandragore. Tu le sens. Je vois. La mort. Qui suppure d'amour. La mort. Oui, la détrice. Venin. Le venin. Il est présent. D'accord. Tellement de négativité en trois mots. Que compose ce bel herbier, cet almanach. Il est un infini de possibles. Et au-dedans de toi, il y a une vraie feuille qui ne demande qu'à sortir. Elle est là, derrière tes lèvres. Oui, tu t'éloignes. Et je suis sûr que si tu le laisses, tes lèvres frémir, si tu les laisses s'ouvrir, alors, sortira la feuille, la bonne. Elle répondra à ta question, cette femme, mais il faut que tu acceptes de laisser la bile, tes humeurs, la bile noire, la bile jaune, se séparer, laisser la lave blanche couler, et alors je pourrai recueillir le nectar et l'écrire sur ta feuille. Ah oui. Donc, se rassied bruyamment sur le praticable qui l'accompagne. Je vois ma fille sur le sol. Dans la terre, dans l'humus. Si tu creuses, si tu écartes, laissez pile qui parcelle la mousse. Tu vois là, tu trouveras une forme. Il s'en sert et puise à la base du feu dans la cendre. Pierre. On verse sur le sol. Des épines. Il souffle. Et dégage une masse formée de copeaux de bois calcinés, petits morceaux de bois qui s'assemblent et forment comme. Qu'est-ce que c'est ? Une explosion. Un panache de cheveux. Une flamme éclaire la nuit. Une flamme noire qui éclaire le cœur. Les sept moustaches sous-jacent. Petite dent sous-jacent. Installe sur son praticable. Prends son carnet. Et que son calame trace quelques mots. Par exemple, déposer une feuille dessus pour que les éléments viennent se coller à la feuille. Soit tu vas placer ta main dessus, parce que tu vas avoir une empreinte sur ta main, et par exemple, tu vas serrer la main d'un autre pour transmettre ce que tu as éprouvé, souvenir. C'est quoi? C'est que tu as recueilli des feuilles des cendres sur une feuille que tu as remise ou. C'est ça. Sur cette feuille, je vois mon histoire, notre histoire. L'histoire à tous. Toi. Toi, que vois-tu? Eh bien, je n'ai pas une très bonne vision, je ne peux pas tout voir. Ma perception est très courte. Très... Enfin, pas assez pour que je t'éclaire sur ce sujet. Je souris et je prends la feuille et je la broie dans mes mains. Je la lâche. Et je ramasse un bout de bois à moitié brûlé, pris par la mousse, tout vieux, et je te le donne. Ah bah là je vois. Que tu contemples la feuille qui a rejeté le feu, ton ami, sa mère. C'était peut-être pas toi qui l'as jeté le feu, sa mère. Enfin, j'avais donné la vieille branche à... Dans le temps. Exactement. Exactement. De la vieille branche, je tisonne ce qui reste... de l'étrange concrétion formée par notre étrange chauffeur. Chaque fois que je tisonne, il y a des petites escarbilles blanches que je regarde avec une certaine fascination s'élever. Voilà la braise. Je regarde les flammes. Enfin, de mon œil valide. Non, c'est quelque chose que tu partages, cet œil valide, Samael, avec Quark. Tu le vois qui semble danser derrière. Le jeune gamin fasciné par le feu qui veille à bien à ce que la feuille se consume entièrement. Albert, Albert, derrière toi. Je sais pas, elle fait quelque chose. Regardez. Je sais pas, c'est bizarre. Ça, quelque chose derrière l'oreille de votre ami. On tire sa main. Je t'avais prévenu. Kip, kip, hop. Ouais. et il s'empare de ce qui reste de la feuille, écrase dans sa main. Et je souris en regardant le massacre de la feuille. Tout me fait sourire, bah, c'est cool. On a le droit de sourire à la vie, non? Pas de cette manière. Voilà ce que l'on trouve au creux. Bon, il s'empare de mon oreille. Tire sur mon oreille. Arrête, monsieur! Monsieur, tu fais mal! Monsieur! Arrête! Je sors mon silex et... Cela, c'est trop méchant. Je regarde Albert mais se faire... C'est pour ton bien, gamin! Cesse de gigoter comme ça! Ah, monsieur, tu me fais mal! Pourquoi? C'est quoi? Pauvre. Ah! Cesse de gigoter, l'enfant! Mais qu'est-ce voilà que... ce que tu avais caché dans ton oreille! C'est encore plein de cérumen. Mais c'est quoi ça? J'ai une boucle d'oreille. Regarde-moi ce qu'il a. Ce qui sort de son oreille. C'est toi qui l'as caché? On n'est pas débiles, hein? On t'a vu? Serais-je... menteur en plus? Oui? Non. Je vais pas serais-je faire... menteur en plus? Oui. Et toi, que me caches-tu de ton nez? Ok, vous êtes pas menteur, j'ai rien dit. Je suis pas médecin, c'est pas mon soigneur. Et si on bobine ses oreilles? Que vont-elles... que vont-elles exuder, mon petit? Caillou qui va tomber de la tête. Un caillou qui va tomber de la tête. Mais vous êtes il va te tomber dans la tête. Mais vous êtes sourd en plus, monsieur. Un caillou qui va te tomber de la tête. Mais dans la tête. Regardez, c'est un silex. Intéressant. Tu vas faire quoi avec ton petit silex, gamin? Oui. Moi, je suis bien, moi. Non. Non. C'est à moi. Non. Et pourquoi es-tu si attaché à ce silex? C'est à moi. Parce que c'est à moi. Non. Non. Non. Reste... que ce que j'ai trouvé dans l'oreille de ton... Oh, dégoûtant, c'est toi qui le gardes. Je le prends et je le jette dans le feu. Oh, riche petit caillou. Adieu, petit caillou. Non. Au passage, je jette ma vieille cape. Ok. Youpi, vive le feu. Ça va? Oui. Doucement, ne fais plus jamais ça. Attends. Soyez prudents, les enfants, avec le feu, ne vous brûlez pas. C'est ce qu'il vient de faire? Non. Si. Non, même pas. Je t'ai vu t'agiter la main. J'étais pas brûlée, hein. Je sais, mais tu t'es fait mal. Ça brûle le feu. Qui ne le savait pas? Moi. Bah maintenant tu le sais. Ça va. Tu veux aller te désinfecter ton bobo, tu veux mettre un pansement? Non merci. J'ai survécu. Moi dommage. Tu vas encore m'embêter. Je suis point un menteur. Ah bon? Bah pourquoi vous cachez des trucs dans les oreilles des enfants? Je ne cache rien dans l'oreille des enfants. On l'a vu. En revanche, votre petit compagnon a accouché de sa belle âme un drôle de caillou à visage de Orla. Que j'ai mis dans le feu. Une minute de silence. Bien imprudemment. Que penses-tu? Quelle vapeur va-t-il dégager, d'après toi? Hein? Une vapeur comme les autres. Et je, continue d'agiter ma cape dans le feu. Ne crains-tu pas que ces vapeurs n'atteignent les brumes de ton petit cerveau? Tu crois que j'en ai un? Je n'en doute pas. Ah bon? Je sais pas combien fait 1 plus 1. Ah, ce n'est pas à ça que se mesure le cerveau. Tu vas faire des devoirs. À quoi se mesure ton cerveau? À pas grand chose. Ah, il va te faire sortir une feuille. Ah, dégoûtant. Et je crache une feuille. Il s'est pas lavé les mains en plus. Ah, il y avait une feuille dans ma bouche. Comme tout le monde. Il y avait une feuille dans ta bouche? Et quel est l'aspect de la feuille que tu as crachée? Elle est pleine de salive. Oui, ça... Mais que... On s'en douterait. Elle est... Ordinaire. Non. Elle est bleue. Elle est bleue? C'est un schtroumpf. Bleu avec un peu de cendre. J'ai envie de dire quelque chose. Ni vu ni connu. Si tu dis ce mot, écris-le si tu veux sur ta feuille bleue. Et ce bleu, il vient de quoi? C'est un bleu. Un bleu d'un champignon. Exactement, on voit un champignon dessus. Oula. Où est-ce le champignon? Et je la rejette. Trouvé, juste à côté. Je couvre pas des champignons. Et Tu ne craches pas de champignons? Si, là j'en ai craché un, mais étonnamment. Hein, parce qu'il a un peu. Tu pourris de l'intérieur. Il a un peu mis son doigt dans mon ventre. Peut-être que le champignon était sur ton doigt. Tintintin. Bah, en même temps, il a les mains tellement sales. Ouais. Il pourrait y avoir la peste dessus. Il arrive à écrire avec de la saleté. Il arrive à écrire avec de la crasse sur les feuilles. J'ai trouvé son stylo. Un champignon bleu. Il est très original, ce champignon. T'es sûr que c'est sa cervelle? Ah, peut-être est-ce la représentation que nous avons là de sa cervelle. Peut-être est-ce ce qu'il nous faut retenir de cette expérience, jeune homme. Tu fais très peur, toi. Toi, t'es devenu. Toi. Monsieur, 1 plus 1 égale 5. Waouh. Ah, c'est possible. Selon des études bizarres de ton cerveau non existant. Et je prends le champignon, je le mange. Tu manges le champignon? Eh ben, ton cerveau va réexister, il va faire. Si tu manges ton champignon, le champignon auquel. Attends, imagine, ça a poussé sur ses doigts, c'est dégoûtant. Et je vomis le champignon. Oh non! Si tu le manges entièrement, il n'aura servi à rien de l'exuder ainsi. Et je prends la feuille qui était bleue, pleine de salive. Du pouvoir. Et je la mange. Mais il mange tout! Il est devenu fou! C'est pas une excuse. Je suis sûr que tu as encore en toi bien des choses que je ne l'écrirai pas tout ce qu'il y a. Non, mais t'as pas pu sortir quoi que ce soit de mes oreilles. Faut pas extraire. Il y a mon crâne au-dessus. Faut pas extraire les choses des et personnes. Qu'est-ce qui se cache là derrière Rien. Et je lui prends la main et je la pousse de mon casque. Ne touchez pas à son casque. Et oui. Il n'y a rien. Rien. Rien à savoir. Rien qui te regarde. Bien sûr. C'est un truc, jeune homme. C'est le néant. Ça me fera encore des choses à ajouter à mon almanach. Oh. En bientôt fin. Mais je bouille. Pourquoi faites-vous ça? Quoi donc? Quel est votre but? Moi, je cherche, comme je te l'ai dit. Un crayon. Attention, j'ai une arme. Un crayon armé d'un silex et d'une feuille baveuse. Je redoute ta feuille baveuse. Et ta bave, surtout. As-tu vu tes doigts? Pardon. Non, oui. Je me fais rien. Mes doigts? Ils sont magnifiques. Mais la force réside pas ni dans les doigts, ni dans le calame que tu brandis. Ta force, elle réside dans ton petit esprit d'homme. Moi, homme... Qu'es-tu prêt encore à exuder, homme? Homme Pardon. Excusez-moi. J'ai juste toussé, ça compte pas. Si, ça monte, j'ai juste toussé, j'ai pas fait exprès. Homme, on va pas comprendre ce mot, ça veut dire quoi Cherchez dans le dictionnaire. Tu m'as fait peur toi aussi. Et je... Bah les regarde pas. Et je sors de l'œil craquelé. Mais non. Et je sors de mon œil une carte, mon œil craquelé. Enfin l'œil qui est non valide ou... Enfin l'œil du crâne qui est craquelé. On ne voit pas une lueur orange. Et je sors une carte. D'accord, une carte. Et je la regarde. Ah bah tiens. Bah on est super loin de là où on devait être. On s'est encore mais décalé. Mais d'où tu sors une carte de ton cerveau? Ne cherche pas. Alors non, une carte. Une carte, oui. Non. Une carte de navigation. Tu sors une carte. Une carte. Pokémon. Non. Une carte du pays. Une carte de la zone. Tu peux arrêter. On a le syndrome de la Belgique. Alors, comment ça se lit ce machin? Là, tu la tiens à l'envers. Ah, ça aide. Attends. Montre un peu. Non, mais montre-la moi. Moi, je sais lire les cartes. Attends. C'est comme ça. Tourne-la. Non, non. Dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Bouge pas. Non, pas comme ça. Comme ça? Attends. Navi. Oui, c'est bon. Non. C'est ma mienne. Non, c'est ma carte. Non. C'est moi qui l'ai trouvé dans mon œil. Voleur de cartes. C'est toi le voleur. Toi, tu sais la lire, toi? C'est la tienne. Ah oui, c'est vrai, je l'avais piqué dans ses affaires. Oh non, j'ai rien dit. Ah, tu vas être puni. Pour la peine, on va t'arracher une autre oreille. Youpi. Bah, j'en ai pas. Oh, ah oui, c'est vrai. Bah, un œil. Comme ça, tu seras. Ne dis pas ce mot. Aveugle. Une. Mais tu. C'est comme ça que ça se lit. Oui, une gaufre. C'est comme ça que ça se lit. C'est une gaufre. Sommes-nous vraiment perdus? C'est bien. Sorti. Je dirais que. On se trouve. Oui, m'appeler. Non. peu près ici, encore au niveau du rivage. Donc, je pense qu'il sera bon d'aller dans cette crique. D'accord. Après, moi, je m'y connais rien en navigation. Je ne pourrais guère vous conduire jusque-là, les enfants. Pourquoi donc ? Parce que mon véhicule n'est pas fait pour rouler sur les eaux. Oui, mais on pourra faire le contour. Nous sommes là, sur la terre. C'est pas grave, si ça prend beaucoup de temps. Et nous allons sur la crique. Je n'avais pas conscience que nous étions à l'orée d'une mer. Mais... c'est une mer presque gelée. Et je ressors autre chose de mon œil. Quoi ? Et là, je sors une moule de mon œil. Une moule ? Ah ! Elle est succulente. C'est toi qui... Tu me caches sérieusement des choses. Tu es succulent. Oh, regarde, t'es en train de faire augmenter le dé. Oh ! Il y a plus de 12, il faut prendre... Ah, 12, quoi ? Faut chercher un 12. On n'a pas 14, faut pas que je chérie. Attends, refais le pompon. Fais-tu vite. Encore d'autres merveilles qu'il te faudra sortir pour Ah oui, j'ai quelque chose. Ah non, là c'est mon piano. Toi aussi, tu recèles des trésors. Ah attends, j'ai un piano. Sorcier. Qui veut un piano ? Un piano ? Quoi ? Ça passera. Pas un sorcier. Je ne suis qu'un modeste. Rédacteur d'Almanach. Bien sûr, et moi je suis la reine d'Angleterre. Ah bon, je savais pas. Je sais même pas si ça existe le pays, mais bon. Ah bon, je savais pas que t'étais la reine d'Angleterre. Oh, toi t'es con. Sors ton piano de ton œil. Et je commence à jouer du piano. Mais c'est une métaphore. Et j'ai appuyé juste sur un piano. Bon, qui veut jouer quel morceau ? Personne connaît les métaphores. Personne connaît. Ça m'évoque quelque chose. Quoi ? Et je sors une couronne. Un long tunnel. Wow. Et des gens à la recherche de graines, des arboriculteurs. Je me souviens de cela. Et il se met à farfouiller dans la main. Et je prends une feuille qui volait. De sa boîte. Et ensuite, quand je la feuille, je sors un stylo de mon œil et je commence à écrire. Toi, t'es une valise ou quoi ? Ah oui. Ah ok. T'as pas de cerveau en vrai. Ah bah oui, tu savais pas. Oh. C'est là où j'enlève toutes mes affaires. Bon, sérieusement. Et qu'est-ce qui va sortir ? Oh mince, un des 8. C'est pas un des 10, un des 11, un des 12. Un des 13, un des 14. Oh mon dieu. Et la fosse est terre. Hein? Elle est terre. Ou alors quelqu'un fait une offrande. Moi je vais faire une offrande. Pas moi. Bah oui, parce que c'est... J'ai qu'un objet. J'ai qu'un objet. Mais je suis sûr que vous avez... Je vais faire des choses... Non, me touche pas. Tiens mon pied. Ah non, non pas mon pied. Je tends le piano. Quoi ? Pourquoi tu donnes un piano ? Mais c'est un mini piano ou quoi ? Non. C'est un grand piano. Oui ou non ? Un piano. Non, de cette taille. Un piano jouet, oui. Non, un grand ? Non, un jouet. Mais d'où tu veux sortir ça de mon œil ? Non, mais Xavier, tu te rends pas compte de ce qu'est un piano ? Un piano, ça fait au minimum la taille des deux tables réunies. Hein. Bah oui, je sais. Bah comment tu l'as dans tes bras? Non, je le pousse. Super force. Mais j'essaie de le pousser. Bon, sérieusement. Jusque. Tu lui donnes un piano. Il va faire quoi avec? Il va jouer, parce que je sais qu'il joue bien du piano. Ah bon? Bah oui, puisque je l'ai inventé. Sérieusement. Non! Yes, j'ai été placé d'un millimètre! Waouh! Si je me souviens. Ne touche pas. Ne touche pas au piano. Il a replié son praticable qu'il avait installé devant la masse de feuilles pour le placer derrière le piano, se ravise, se redresse. Biscuit. Avec à la main son praticable. Cette méduse. Oh là là, il va avoir un lavage de cerveau. En somme, quelques. Couverts. Et je sors de mon œil encore quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Un œil. Non mais je sors quelque chose de. Un bras. Et je sors une feuille. Voilà. Ça sent bon. Voilà. Non, il a sorti ça d'où encore. En vrai, la feuille elle sent bon. Oui. D'où Zinobert a-t-il sorti de sa bouche. De mes rêveries, sûrement. De tes rêveries. Très poétique. Et que dois-je faire de... Un jeu de tarot. Ces cartes. Et on va faire quoi avec Je joue au tarot, mais moi, je sais pas jouer au tarot. Chut, tais-toi. Qu'est-ce que ces lames vont produire, selon vous? Elles vont te guider. Ah. Et tu dis de les avoir tirées de tes rêves? Pourtant, elles sont bien matérielles. Le reste peut être matériel. Choisis ma carte maintenant. Montre-moi ce que tu as. Montre-moi. Alors. Ah, c'est pas les mains. Tiens, t'es bon maintenant. Non, je touche pas. Machin trop nu. Je ne suis pas machin trop nu. Je suis pouc. Oui, pas machin trop nu. Petit pois, non. Pouk. Pouk. C'est passé par la tête. Que tu n'as plus. Ouais. Enfin, si, j'ai un bon. Oui. Ta tête non existe. Mais sa tête produit des choses merveilleuses et... Entendez-vous ce piano qui résonne tout autour de nous avec sa forêt d'instruments? C'est son esprit qui nous régale de ses merveilles. Et qu'as-tu trouvé, toi, Tom? Qu'as-tu sorti là? Et moi, je sors. C'est la bave de l'ermite que tu redoutes? Mais Bilvesée t'inquiéterait-elle? Je sors exactement la même carte de mon œil. Trop magique. Mais c'est toi qui es présente sur cette lame. Non. Une jeune naïade sortie de l'eau. Je ne me reconnais pas là-dedans. Et toi, qui vois-tu là, surgit du passé? Quelque chose de sombre qui progresserait, qui s'avancerait vers toi? Hein? Que caches-tu au-dedans de toi? Merci. Moi, je cache une trompette de sécurité, s'il vous plaît. Un mètre. Oui, c'est bien. Et que redoutes-tu si je m'approche? Un mètre, c'est bien. Deux? Voulez-vous qu'on fasse à deux? À deux? À trois, s'il te plaît. À deux. À deux. Un, à deux. À dix. À dix. Dix. 10 000, s'il en faut. Et des trompettes? Quoi des trompettes? Mais t'as sorti quoi encore de... Bah des trompettes. Pourquoi je me fais mal, mon pied? Non mais désolé, j'ai pas fait exprès de te mettre un coup de trompette. Ma main c'est une trompette. Non mais en la sortant je t'ai mis un coup de trompette. J'ai fait... La nouvelle arme, la trompette. Je veux pas qu'il s'approche de moi. Vous êtes bizarre depuis qu'il vous a touché, vous. Ah bon? Oui. L'étais-je pas avant? Mais toi, t'es venu naturellement. Non. Je crois pas qu'il est. Ah, toi, t'as vu. Il est pas dans le jeu, mais... Il a pas l'air bizarre. Mais il est bizarre, mon piano. Il sort de nulle part. Bah si, de mon piano. Oui, mais il avait pas de piano de notre ami. Si, j'en avais un. Mais il l'a donné à l'autre. Oui, mais il en avait pas. Bah peut-être qu'il en a ressorti un autre, on sait pas. Il est sorti un médaillon qui fait peur de mon oreille. Que j'ai jeté dans le feu. Oui, mais il a dit que c'était quelque chose de là. Non, on pense pas que t'es un horreur, d'accord? C'est des sottises. Et je connais. Il voit les choses telles qu'elles sont. Regarde bien au-dedans de son œil vanille. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois dans son œil vanille? Et on voit comme une tête sortir de l'œil vanille. Comme un souvenir surgit. Trop, il va encore me toucher. Hein? Ah, dis-toi, toi. Que redoutes-tu s'il entre en contact avec toi? Il est très positif en quelque chose que je vois. Qu'est-ce qui est en lui te répugne? Comment dire que... sa manière de se comporter. Non, pas que cela. Et toi, arrête de rigoler, ok? Arrête, je te donne un coup de feuille, tu vois. Donner un coup de feuille plein de salive. Sa manière de se... Comment dire? S'habiller? Non, pas s'habiller, non. Parce qu'on n'est pas très en manière de disposer à cette manière-là. Écrire? Chut, tais-toi. Qu'est-ce qu'il écrit? Aussi, il écrit des trucs bizarres. Qu'est-ce qu'il écrit, d'après vous? Voilà. Invocation. Non, il écrit ça. Tu te rappelles du bonhomme là qui faisait. Tu crois que ce serait une créature du même ordre? Bah oui, mais elle était gentille, cette personne. Oui, mais celle-là n'a pas l'air très gentille, je suis désolée. Ouais. Elle est très malade mentalement, aussi bien que mentalement que physiquement. Eh bien. Oui. Comment il a retiré tout ça. Non, je l'ai mangé. En l'occupant, en le faisant distraire, et pendant qu'il est distrait, pas. Non, ça serait trop facile. Passe le tarot, passe le tarot, j'ai une idée. Tu vas faire quoi? J'ai une idée. Non, t'inquiète. Ne t'inquiète pas. Eh, ça dit qu'on fasse une partie de tarot? Ok, on se laisse là-bas. Et je souris en tenant les cartes. Partie de tarot. Tu sais même pas exactement. Tu sais même. Et quel serait l'enjeu? Je sais pas. Ta vie peut-être. Oula, ça m'intéresse ça. Et pourquoi jouerais-je ma vie dans une? Car tu le dois. Bah si, il a le choix. Ça. Arrête, il va te brûler. Tire une lame. Tire le tarot. Quelle est? Et tu les as du mauvais sens. C'est quelle carte il a pioché? Je ne suis pas versé dans l'art du tarot, mais Zinobert semble l'être. Je pense qu'il est chanceux. Que c'est la force. Oula, le chanceux. Si j'aime. Si j'aime la. Abonnez-moi. Non, pas chanceux. Ah, pas chanceux. Et... Tire une autre carte. Et toi, ne tireras-tu point de carte s'il s'agit. Tu le verras en temps voulu. C'est injuste. On ça, le saurait en temps voulu. Non. Sinon, toi, tu vas perdre la tienne. T'as trop peur de perdre, ouais. Non. Je vois une dame. Une grosse dame. Peut-être est-ce la reine d'Angleterre dont nous parlait. Fais voir. C'est de l'ironie. C'est la reine d'Albion, c'est bien cela. Zinobert, on a besoin de toi. Ok, Google. Ok, Zinobert. Dis-nous, quelle est cette carte? C'est l'impératrice. D'accord, c'est juste une impératrice. Celle de Germanie, d'ailleurs. Ah, je sais pas. Tire une carte. La dernière. J'aurai la force de l'impératrice de Germanie. C'est-à-dire bien un peu. Bien un peu. Oula, la chance. Ça, c'est la notice. Bien, c'est qu'elle n'a que peu d'autorité. Écarte-les. Fais un éventail avec lui. Ou une épée. Je veux la force de tuer l'intérêt. Et une épée. Et une épée. C'est pas Excalibur, ça? Non. Un d'épée, simplement. Un d'épée. Et que nous dit le tarot de l'oubli en pareil cas? Qu'aurais-je recouvré comme souvenir qui me rendrait à même d'enrichir mon almanach? Hein? Comment pourrais-je enrichir mon almanach? En écrivant ta mort. En écrivant ma mort? C'est pas dénué d'intérêt, cette réflexion. Petit sauvageon. Qu'est-ce que c'est? Un œuf de coupe. Et ça fait quoi? Je trouve que avant de céder encore un œuf de coupe naturel de ma curiosité qui me m'enjoindrait petit. Un chasseur de œufs de coupe. Moi rien comprendre. Peut-être. Avant de céder à la pente naturelle de ma curiosité. Peut-être. J'aurais bien envie satisfaire à ma faim. Oula. Et je sors de mon... Il se trouve que j'ai grand faim. Je suis de, bah, je suis de mauvais goût. Mange un arbre. C'est bon pour la santé. Mange une feuille. Tu en as préparé plein. Non, les feuilles, je les conserve pour y coucher les souvenirs. Alors mange un arbre sans feuilles. Voilà. Pour y coucher les souvenirs. Ou alors meurs. Comme... Mais tu m'es déjà enjoint à mourir, jeune. Et je sors de mon œil un fusil. Tu sors de ton œil un fusil. Oula, ça part en basket. Oula, un détrempe. Oula, on va perdre. Oula, non. Waouh. Mais ça existe pas ce dé là. Un dé à deux dés. Ainsi tu menaces ton chauffeur. Mais où ainsi tu nous menaces de nous manger. Alors je prends... Et je dis que j'allais te manger. Exactement. Non, c'est pas... Ah si, c'est ce que tu as insinué. Ouais, je n'ai pas dit que j'allais te manger. C'est ce qu'on insinue souvent avec nous. Du coup, on prend la force. Mais... J'appuie sur la gâchette en visant son crâne. Arrête, on va voir ce qu'il y a dans son cerveau. Enfin. Il y a plein de trucs noirs et bah, t'auras besoin. Et penses-tu que l'arme que je tu as en ta main va suffire pour lui, là, ce truc-là? Pas sûr, mais au moins l'entamer, c'est déjà bien. Au moins avoir fait un truc toujours mieux. Le maire, que penses-tu de la situation? Je pense que les cartes prennent sa chute. Les cartes ont pris de... Je vais perdre, tire une carte. Les lames de tarot qui l'a tiré. Donc, non, mais toi, tu peux rien faire. T'as le droit de te faire brouter. Les lames de tarot. De l'escargot. Tiré de tes rêves. Et je retire mon crâne aussi. Hein. Et on voit une tête. Une tête. Wow. Annoncer la, tête de la chute. Waouh! Qu'est-ce qui est étonnant? Mais. Pourquoi ces mouvements de sourcils là que tu as nous faire? De quoi? Non, c'est toi qui les as fait. La tête de Léo, mais avec du sang. La chute, sa chute. D'accord. Et à moitié brûlé. Donc. Pourquoi ton fusil. C'est un fusil que tu as. Sorti de ton. De ton œil. C'est l'ex. Un coup de papier. C'est l'ex. Et toi, tu peux sortir tout ce que tu veux de ton œil. Ton œil de mort. Et tu penses qu'il sera. Je te passe un silex. De bah non, c'est mieux que rien. Tu chasses quoi avec un silex du fait. Qu'est-ce que tire ton fusil? Une balle de plomb. Une balle de plomb, c'est un fusil à pompe. Exactement. Ça serait mieux comme ça, ça fait pouf, feu d'artifice. Que tire ton fusil? Une balle de plomb qui... Et quand ça touche... Bah, tu exploses littéralement au vu de la pression. Quand tu touches... Quand ça touche... Alors le plomb, c'est un... Un métal qui fond à basse température, les balles de plomb, c'est... Enfin, non, pas une balle de plomb, enfin, une balle métallique qui fonce à toute vitesse sur... Très fine. Qui fonce à toute vitesse sur l'ennemi, et quand ça touche l'ennemi, bah, il se fait propulser. Exactement. Run. L'escargot. Un escargot, mais il va faire quoi? Attention, j'ai un escargot! Non, ça. À part si c'est sa pire phobie. À part si c'est. Oh, je vais lui parler. À part si c'est sa pire phobie. Même, c'est un faux. Attention, c'est un vrai escargot qu'est-ce bleu. Qu'est-ce que cet escargot bleu? Tu peux le balancer sur ta tête. Parle-nous de cet escargot bleu, s'il te plaît. Ou dans sa bouche? comme ça il s'étouffe. Mais j'y tiens, cet escargot. On s'en fiche, c'est ta vie auquel tu tiens plus, hein. Non. cet escargot, en fait, je ne sais pas trop, car je sais juste qu'il y a un mot à l'intérieur. Et tu ne sais pas quel est le mot qui est inscrit dessus? C'est, en fait, c'est fait d'une écriture dont je ne comprends pas. Ça ne ressemble même pas à l'alphabet qu'on a l'habitude de voir. C'est l'encre qui... Non, c'est vraiment l'écriture en elle-même qui est atypique. Oui. Pourquoi veux-tu me manger? Je ne suis pas une profiterole. Tu n'es pas une profiterole. Non. Et je... Je tire. Hein. Et moi, je tire. Je ne suis pas une clémentine non plus. C'est... Voilà, je ne suis pas... Je pensais que tu t'appelais clémentine au thym. Non. Je ne suis pas une quelque chose de mangeable, on va dire. Si on est cannibale, ça se mange. Tu vas devenir très malade si tu me manges. Très très malade. Peut-être ai-je besoin d'être malade. Peut-être. Et je tire pour pas les 2000 mètres. Les 2000 mètres. Oui, les 2000 mètres. Les 2 mètres. Les 2000 mètres. Les 2000, mais c'est particulier, j'ai pu parler. Et je tire. Encore. Boum. Qui le projette encore. Boum. Mais par contre, là, ça me fait saigner. Ouah, on savait pas. Tu peux. Je te balance cet escargot. Non, je le garde petit escargot. Alors, et je te passe si le silex. Tu le serres très fort contre silex, toi. Tu vas faire quoi? Un silex? J'ai un post-it qui a le nom de silex. Mais si tu serres ton escargot, qu'est-ce qui se passe pour toi? Pardon, je m'étais trompé. Tiens. Qu'est-ce que contient cet escargot? Encore une fois. Que recèle-t-il? Tu les rassures, mais bon. Pas grand chose en ce moment-là, mais... Qui tue les gens? Ouais. Il te rassure parce qu'il te renvoie à quoi? À la lenteur d'un escargot. Que j'avais peut-être quelqu'un qui tenait à moi avant parce que je ne m'en souviens pas. Amnésique. Donc c'est le message... d'amour secret qui est au-dedans, qui lui confère toute sa valeur. Oui, même si je ne le comprends pas. J'ai l'impression de le comprendre. Tu ne le comprends pas et tu as l'impression de le comprendre. Philosophie. Alors, qu'est-ce qui était sur le sol ramasser ton cerveau. Qu'est-ce que son cerveau a rejeté sur le sol en premier? Une feuille. Non. Son café. Son café. Son café. Le truc qu'il avait dans sa tasse. Non. Ah, son cerveau. Qu'est-ce que son cerveau? J'entendais le cerveau de... J'en avais un. T'as commencé... Pas rejeter une carte, non? Oui, non, c'est... Une feuille. Ah oui, une feuille par la bouche. Une feuille bleue. Et l'escargot, il est bleu. Et sous la feuille bleue, quand tu l'as. Un champignon. Un toad. Un champignon bleu. Qui est appelé toad. Un toad. Un champignon bleu. Et son espèce s'appelle les toads. Un champignon bleu... Comme mon escargot bleu qui est bleu à l'intérieur. Bleu. Et... Bleu. Et bleu. Ce bleu, c'est quoi? Ça représente quelque chose pour toi? Les aliens. Comment tu le vois, ce curieux chauffeur. Oui. Comment tu l'imagines ? Mentalement, quelqu'un de corrompu. Et comment la corruption s'est... De malade. Les malades ? Aussi bien que mentalement que physiquement. Aussi bien que mentalement. Aussi bien mentalement que physiquement. Il y a pas besoin de plus parler. Moi, plus parler français. Mais normal, t'es choqué parce qu'il a entré dans ta bulle personnelle. Quelle vie personnelle, j'en ai pas. Dans ta bulle personnelle. Ah oui, mon 2 mm. Oui, alors pourquoi tu lui as dit 2 mm? J'ai pas fait exprès, j'ai fourché ma langue. Est-ce vraiment cela? Non, je voulais dire 2 mm, mais ça a fait un raccourci, du coup ça fait 2 mm. Bah t'as dit, je voulais dire 2 mm, ensuite t'as dit... Ne serait-il pas, justement, alors tu dis qu'il était malade. Je suis malade. Malade. Douloureusement malade, oui. Et tu n'as... Lorsque tu as... Lorsqu'il s'est penché sur toi... Ah, il a dépassé les 2 mm. Il a dit qu'il voulait te dévorer, il s'est approché comme ça de toi. Il m'a touché, même. Ouais. Ah, ça, c'est 0 mm, ça. Et donc, lorsqu'il est sur toi comme ça... Il est guère plus grand que toi. Pardon. J'étais en train de... disons Ou, que... Ou il te semble... Comment taille, ressens-tu... Taille indéterminée. Ou 2 mètres. Moi, je dis qu'il est tout petit. Il fait la taille... il fait la taille de mon œil cassé. De ta chaussure. Ouais, de ma chaussure. Comme toi, il lui manque un œil, oui. C'est peut-être que c'est toi dans le futur. Il a des marques, des meurtrissures sur le visage, des cicatrices qui lui plissent le visage. Le cheveu court, une petite moustache. Et je lui fonce comme un taureau avec les cornes. Des vêtements étriqués. Non, toi, tu as dit que tu... Oui, mais après avoir tiré, je lâche mon fusil et... Il faut déjà faire l'instant, ok. On fera le futur plus tard. Ah bon? D'accord. Bon, ah non, mais en fait, il y a d'autres à ajouter sur ton escargot, sur le fait... Tu considères qu'il est malade? Oui. T'es malade. Douleur complète. Bah oui, t'as de la fièvre. T'as des sueurs noires. Et aussi t'as des sueurs noires. Sueurs noires, oui. Des sueurs noires. Tu fais une des pieds noirs. De fièvre. T'as dit quoi des pieds noirs. Oui, on considère de la pourriture vers ses pieds. Oui, c'est exact. Donc maintenant, je vais me permettre de me placer du point de vue de Thornton. Bah oui, on l'a plus entendu depuis. On dirait qu'il est parti depuis longtemps. Il nous a laissé là-bas. Toi, tu appuies sur la détente et Bumtas se jette sur lui, bondit sur le petit homme, avec en main un fragment d'obus. Son fragment d'obus. En disant, reprends ça, charogne. Oula! Ah, c'est vrai que c'est lourd. C'est lourd! Attends, il l'a fait à moi ou à lui? Il l'a fait à qui? Il se jette. Sur toi? Wow. Sur lui? Sur pour... qui? Moi, je suis un garçon. Sur qui? T'es un garçon maintenant? Non, je suis une fille! J'ai jamais été heureuse d'être une fille. Aussi heureuse. Là, sur ton épaule. le machin sur toi. La chose sur toi là. Aïe. Le machin. J'ai cru qu'il visait mon épaule. Aïe. Le truc muche là. Le truc muche. Ah, et donc il jette sur Pouok et tente de lui fracasser le crâne au moment où toi tu appuies sur la détente. Mais non, mais. Mais il va s'envoler. Mais qu'est-ce que tu fais? Je tire, mais réfléchis. Est-ce que... Alors... Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu hésites sur le tir. Non, toi, je tire, je tire. Je tire sans hésitation, mais je dis... Mais, tu tires sans hésitation. Ce qui veut dire que l'une des conséquences de ton geste, ça pourrait être soit... C'est de ma faute. De blesser. Oh non, mais t'es sérieux? Bah, s'il y a un meurtre, c'est pas de ma faute, hein. Si, c'est j'essaie de sauver quelqu'un, légitime défense. Ton justement, tir, il n'y a pas de violence policière. Il y a trois possibilités. De la légitime défense. Tu as. Oh mon dieu, aïe. Fouac qui aïe aïe aïe aïe. Dévorer le coup. Bah non, je vis les arbres. C'est bon, les écharpes. Modérément, de taux, et par-dessus, sautant sur, bah, je vise son ventre comme, je vise le ventre de Pouok, comme ça, je touche ni la tête de madame, ni la tête de monsieur là-bas, là, qui n'est pas là. Mais tu peux pas viser le ventre de, puisqu'il est. 5 écharpes et bah, là, enfants par jour. C'est bon pour la santé. Et donc, là, il y a. Dans les fesses. Ouais. Donc. Bah, je vise ses jambes, comme ça, il chute. Et je tombe avec. Ah bah non. Non, non, non, je vise sa tête. Je vise sa tête. Tu vises bah sa tu tête. Vises rien du tout. Tu vises une... Donc, il y a le... Ce que je disais, tu peux soit blesser. Oui, mais on s'en en fiche. En conséquence, d'accord. Au moins, j'aurais essayé. Bah, et je donc, vais mourir. Je résume. Je meurs nous dans avons... ma trop souffrance. Bleh, bleh, bleh. Une, deux... Blessé. Trois, quatre... Non, je vais mourir moi. 4 attaches et tu as un dé. Mais pourquoi t'as tiré toi? Non, toi. 24. Tu portes malheur toi. Alors, est-ce que t'as d'autres choses à mettre en c'est jeu? Toi qui c'est toi qui lance, c'est pas moi. Ah non, c'est toi qui est Alors, non, toi, tu peux renoncer. À allez, tout Xavier moment. Comme un Bourenval, jedem das seine, chacun son dû. Tu peux renoncer à ton tu peux renoncer en me disant que ça n'en... Voilà, j'ai réussi, j'ai mis deux. Il y a trop de risques de blesser l'un de tes amis. Renonce, je m'en fiche si je me remange. J'ai une écharpe, attention. Xavier, un moment, faut regarder ce que tu fais. Il est à 3. Ça peut. Il est... Non, il à relancer. Mais il était à 3. Non, mais tu relances pas, on est comme ça. 3, 2, 1. Oh non! 7. Oh non! 7. Non! Pourquoi t'as pas renoncé? Je te hais, I hate you. Donc, il nous manque. Ouais, mais il te permet de faire progresser ton anglais, donc tu vas pas le hater. Hate! Je te hate! Arrête de te moquer de mon anglais, ok? Rejoue sur. Va jouer à ton téléphone. Mais en fait, je suis la partie depuis le début, hein. Va jouer à ton téléphone. Chignon en anglais. Mais moi je l'assume. Pas comme d'autres. Je dis pas que tu es comme ça. D'accord. Je peux pas une pointe en anglais. Donc tu es concerné. Et moi j'ai pas dit que j'étais chanceux, hein. J'ai jamais dit ça. Hein. Quoi, mais d'où on parle de ça? Il a pas dit. On parle d'anglais, pas de chance. Je suis désolé, mais les anglais, c'est pas une chance de les apprendre. Ni même un luxe. Bon. T'as pour rien qu'on dit perfil d'albion. Là, je fais toi. Non, ça c'est toi. Bah non, parce que là, c'est moi qui tire. Donc on a deux souffrances à relater. Ça veut dire que tu n'atteins pas... Non ! Zut ! Oh, j'ai glissé sur une peau de banane. tu n'atteins pas... J'ai une montre. J'attends qui ? J'ai les pare-balles. J'attends qui ? J'attends mon professeur. T'attends ton professeur quoi? Bah tu peux. Je peux attendre. Tu peux atteindre. Il y a un oiseau qui passe à ce moment-là. Et là. Ah et il tombe par terre et là c'est comme une peau de banane. Non et l'autre ça assomme l'autre voilà. Et fini. Mais la probabilité. Tu atteins Tom Doe à l'épaule qui. À qui? Qui choix. Oh non! Eh zut! Mais pourquoi vous bougez aussi? Bougez pas comme ça! Tu l'as eu ton pistolet à Maxi Toys? Bah oui! C'est pas de la marque, hein! Tu savais pas! Mais pourquoi ça t'a laissé? Ah bah oui, c'est donc, des... la manifestement, la lame, est-ce qu'elle était tirée de ton souvenir vraiment ou tu l'as trouvée ailleurs? Je sais pas. Et par contre, même si j'ai touché monsieur, je fonce. À toi. On me part. Je réponds à la question. Quelle question? Je viens de poser une question. T'as vu, tu écoutes pas. Si, ouais, non. Bah si. Alors, la lame, tu l'as trouvée dans tes rêves? Oui, je l'ai trouvée dans mes rêves, sinon je l'aurais pas dit. J'ai vraiment trouvé dans mes rêves. Et en quoi elle pourrait être la chute d'une personne rencontrée sur le chemin de Zinober? Qu'est-ce qui pourrait... dans le rêve, expliquer sa chute. Parce qu'il était homme de vertu et que par là, il devient homme de vice. Et qu'en cela, il chute. Alors, en quoi était-il homme de vertu dans tes souvenirs ou dans tes rêves? Parce qu'il cherchait à trouver en chacun ce qu'ils étaient réellement. C'est pour ça qu'il exigeait de chacun qu'on lui livre quelque chose. Et c'est parce que une personne a refusé de lui donner qu'il est devenu homme de vice. Et qu'est-ce qui pourrait l'arrêter maintenant qu'il est que... Donne-lui son escargot. Non. Donne-lui ton escargot ou tu meurs. Je m'en fiche, je vais mourir. Donne-lui ton escargot. Pourquoi? Et je te vise. Donne-lui ton escargot. Tu mens, vas-y. Boum. Pas la boue. Non, non. Tu veux quoi en dehors de ton escargot? La feuille. Passe lui la feuille. Tiens, une feuille que tu m'as donnée il y a 5 minutes. Ah non, c'est lui. Quoi? J'ai... Le silex! Le silex! Et pendant que du coup tu le as... silex qu'il m'a donné! L'autre. Non? Non, il y a pendant que t'as le dos tourné, en lui tenant la feuille, je prends l'escargot et je lui donne. Non! Non! Bah si, non, c'était non. La stratégie! Je vais t'agresser avec un silex! Ah si, si, si, si, t'es pris de court! T'as suivi mon conseil! À toi! J'ai un silex, attention, je vais te tuer. Je croyais que c'était moi qui étais pas. En fait, c'est mon silex dans ce coin! Prends l'escargot! Toi, tu vas mourir! Pourquoi tu manges mon escargot, ouais? C'est un français, en fait. Et l'engloutit avidement. Meurs! Meurs! Il n'est pas comestible, il est comme moi. Et il se tord spasmodiquement au sol. Et moi, j'essaie de le foncer dedans avec mes cornes. Recrache l'escargot, il est vide. Et... pauvre escargot. L'escargot repart. Okay. Bonjour, je savais pas que t'étais vivant, mais bon. Bonjour, il repart et revient vers toi. Petit escargot. Merci, petit escargot. Et moi, je le fonce dedans. Je fonce sur monsieur là. Ma poink avec mes cornes. Pour être sûr qu'il est fini. Tu les entends gros maintenant. Du doublement de personnalité. Oui, je sais que tu as des cornes, je sais, c'est pas tellement montré. Mais quand même... Tu l'embroches de tes bois? Oui, enfin, non, c'est pas des bois, c'est des cornes. Je fais ça, boum! Boum, t'es mort! C'est toi le mort. Mais... Non, c'est pardon, son c'est ton escargot, est, le mort. Son corps roule non, sur le vivant, sol. Regarde, il bouge. Une bave noirâtre lui coule à la commissure des lèvres. Son teint est devenu blanc, noir, blanc. Le Ok. Bleuâtre. C'est bon, il meurt. Hey, je vais t'abandonner, toi. Il a... L'espace d'un instant, son corps a... Toutes ses veines sont devenues saillantes. En l'espace d'un instant, toutes ses veines sont devenues saillantes et noires. Et le sang a reflué ou afflué pour devenir, lui donner une teinte bleutée. Pas le bleu royal du champignon que tu as exudé tout à l'heure, mais un bleu tout de même voisin, un bleu du sang éteint que la vie a déserté. Il est là, mort, gisant au sol, au milieu des feuilles de son almanach. Je lui avais dit de écrire sa mort. Tant pis pour lui. Manifestement, il l'a écrite. Je l'abandonne. Et je brûle toutes ses feuilles, puisqu'il est mort. Non, rien. Pourtant, c'est ce qui te reste seulement de Domta. C'est qui ? Et c'est moi qui. Mais c'est le monsieur. Je sais. Oh. Je suis comme ça, c'était mon message. Mais il est blessé. Il est pas mort. Si. On vient de le retrouver mort avec son almanach. Non. Okay. Là, c'est toi qui es en train de confondre. Domta, c'est mon personnage. C'est pas celui qui a manipulé l'almanach, c'est un gamin. Celui qui a pris la balle destinée à Pouok. Mais qui a dévié. Et qui a donc atteint Domta. Et je jette le fusil dans le feu qui s'enflamme. Du coup, il est mort ou pas ? Enfin, non, je jette le fusil dans le feu. Du coup, il est mort ou pas ? Est-ce qu'il est mort ? Et je sifflote en mode, c'est pas moi ! Qu'est-ce qui pourrait empêcher... qu'il ne meure. Mais j'ai pas fait exprès, je voulais te sauver, hein. C'est pas de ma faute si j'ai pas fait l'école de tir, hein. Le jeune Domta de mourir. Si. Quelque chose, un truc qui est solide et imperméable. Quelqu'un sait ce mot, imperméable. Mais pourquoi t'as jeté ta vieille cape au feu, toi ? Elle serait très utile dans ces cas-là. Pourquoi ? Pour arrêter le sang, toi connaître chirurgie, non. Non, je ne connais pas la chirurgie. D'accord. Je n'ai pas été à l'école. Un tissu, un truc dans le je n'ai plus de cerveau. Bah, il a sa chemise. Sa chemise traditionnelle. Bah, on peut lui retirer pour la mettre sur sa blessure. Sur son épaule. Je vais bien serrer, il risque d'avoir mal, mais. Serrer comme il faut, comme ça, tu le sens. Il faudrait. Ça va bien retenir le sang, moi. Oui, après, manifestement, la balle est entrée en lui. Tu as dit que c'était une balle qui était destinée à fracasser les chairs, une balle métallique destinée à porter la mort, parce que tu l'as tiré de ton œil mort. Est-ce que il l'a tiré ? Est-ce que ça l'a traversé ? Ça l'a traversé, elle est toujours dedans. Mais elle est probablement encore logée dans son corps. Ok, il faut savoir l'archiver déjà. Mm. Quelqu'un y pense ? Pas moi. Personne. Bah, je peux essayer avec mes corps. Non, tu vas le transpercer plus qu'est-ce que chose. Qu'est-ce qui pourrait ôter cette balle sur de l'œil mort ? T'as pas une pince à sortir de ton œil, toi ? Et je sors une pince d'un œil. Merci. Hein ? Sac à dos. Il est mort. Peut-être que. L'escargot, il veut faire quoi ? Ah bah oui, il va aller dans la vraie, il va aller. Mais non, il va le tuer. Mais il va le tuer vu qu'il a tué l'autre. Est-ce que c'est pas parce que il est fidèle à ta personne ? Que c'est parce que je t'ai arraché contre ton gré qui m'a cherché à tuer le premier qui touchant. Sans le second. Parce que sinon tu serais déjà mort. Bah non, j'aurais... il a pas eu le temps de me tuer, c'est ça que j'en fais. Voilà. Peut-être que l'escargot pourra aller rechercher la balle au dedans. D'accord. Vas-y. Donc tu laisses l'escargot ramper à l'intérieur de la plaie. Tu lui donnes quoi comme instruction? Que dis-tu à ton escargot? Dis-moi à l'oreille ce que tu dis à l'escargot. Il fait dit de la faire sortir, là, que c'est pas obligé qu'elle ressorte par le même trou, donc En fait, il en faut faire attention pour pas... J'ai une idée. Je peux te donner une idée, j'ai le droit ou pas? Tu peux le dire. Après, ce que tu peux le dire, c'est qu'il rentre sans faire trop mal à la personne. Et qu'il essaye de récupérer la balle qu'il a transpercée pour la ramener et repartir par l'entrée où il était entré. Voilà. C'est très longue cette phrase, mais bon, c'est pas grave. Comme ça, c'est précis, il veut pas se tromper. C'est une doterie. En es-tu sûr? Es-tu sûr qu'un homme ne peut se tromper? Errare humanus est. Humanum. Humanum est. Oui, plus il dit un Cicéron. Erreur est humaine, oui, je sais. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai fait réapparaître mon cerveau. Et persévérer et héroïque. Exactement. Mais je sais pas le dire en latin. Sed persévérer héroïcum est. Mais lui, ce n'est pas un humain. D'accord? Qu'est-ce que c'est? Un animal? Bizarre, mais un animal. C'est un crustacé. Un crustacé. C'est vrai. Ah bon? Tu es un crustacé? Il répond, oui. Révis c'est un crabe. C'est... Non c'est il un... a une coquille. C'est un homard. Bon. Voilà. Errare. Non. Errare. Crustatus. Qu'est-ce que mange est? Bah, de la salade. Des végétaux. Est-ce qu'il mange le métal? Oui, non. Oui, il mange le métal. Oui. Ah bon? Oui. Bah au pire tu le manges. C'est faux. Bon. Oui, il mange le métal. Non, non. Et moi je suis la reine d'Angleterre. Encore. Mais sérieux, comme ça il va pouvoir bouffer la. Mais elle est la reine d'Angleterre. Oui. Bah oui, elle est la reine d'Angleterre. Tu savais pas qu'il a depuis le début de la partie? Mais tu connais pas l'ironie. Mon cher. Non, mais comme ça il peut manger la balle et comme ça il est. On va dire qu'il sait manger le fer, on va dire. Tu sais manger le fer, toi? Le fer c'est comme des boulons, tu vois. C'est, tu connais les. Les salades? Non, pas les salades. Ah, qu'est-ce qui est riche en fer? Les lentilles. Les lentilles. Riche en fer. Et c'est un végétal. Un végétal. Un végétal. Et là, c'est plein de fer. C'est que c'est du fer. C'est un végétal et Tho a dit que tu devais le manger. Voilà. Et là, l'escargot fait. Hein? Mais tu manges rien d'autre. D'accord. Hein? Après, tu ressors par l'entrée où tu es sorti. Rentrer. Et tu sors par une entrée et tu rentres par une sortie, c'est ça? Tu rentres par l'entrée, tu rentres par la plaie et tu sors par la plaie. La même plaie, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a deux. Ouais. Déjà, il y en a une grosse, ça s'appelle Samael. Il y a peut-être une. Peut-être qu'il doit simplement. Je mets la main dans mon œil. Digérer lentement et sûrement la balle. Oui. Ah ouais, on fait ça. Et rester là-dedans. Et demeurer au-dedans de ton ami pour éviter qu'il ne souffre encore de son passage. Mais il va le tuer. Non, il va remplacer un organe. C'est... Ah bah oui, il va remplacer l'organe. Il va remplacer les chairs qui ont été lacérées par la balle. Bah d'accord. Et moi, et si tu consens à Arthur. Tu as manqué. À ce que l'escargot entre au-dedans du jeune sauvageon. Oh non, il va être là. D'accord. Mourant. Peut-être pourra-t-il... Mais tu manges rien d'autre, tu manges ce qu'il mange si tu veux. Mais il est long, c'est un long un escargot. Tu dois le dire... D'accord. Je suis sûr, tes ordres à ton escargot bleu. Tu rentres dans la plaie, tu manges la... tu digères lentement la balle et tu restes ici. On viendra te chercher. Vous viendrez me chercher. En temps voulu. En temps voulu. En temps voulu. En temps voulu. Escargot voulu. Escargot voulu. Escargot, attends. Attends, escargot, attends-moi. Tu vas pas rentrer dans la tête, ou si. Non, là, vas-y. Escargot, regarde. C'est un bout de sang. C'est un bout de chair. Regarde, c'est trop stylé. Waouh. Recyclé. C'est trop stylé. Il y a du sang. Ouais. Chut. Et je le mange. Le bout de chair. Mais arrête, ça se trouve, c'était à lui. Non, mais on voit que c'était un bout de chair de moi. Mais pourquoi tu te manges toi-même? T'as pas une... Ah, c'est parce que t'as pas une goût. On est bien d'accord que tu lui offres... Juste, je peux prendre une photo. Attends, je prends une photo de l'écriture. Attends, selfie. Escargot, attends, selfie. Selfie, allez, viens ici. Comme ça, je vais pas t'oublier. Ah, voilà. Ah, j'ai pas d'appareil photo, mais c'est pas grave. Je l'enregistre dans ma mémoire non existante. Non existante. Ça va s'effacer au bout de 10 minutes. Comment es-tu sûr que ta mémoire est non existante? Parce que j'oublie tout. Parce que tu oublies tout depuis. L'opération. L'opération. Je te préviens, j'ai tout oublié encore. T'as aussi oublié ton opération. Non mais quelle honte. L'opération. L'opération. L'opération que nous avons menée. Tu crois que je me suis opérée? Oui. Bah oui. Moi je me suis opérée bien l'œil, hein. Nous avions bien opéré. Je me suis bien opéré. Notre commando devait être assassiné. Le renégat. Pouak. Et le tir mal assuré. Précipité lorsque notre organo. A été reconnu et démasqué par Pouak. Bah c'est elle, toi, a failli c'est emporter le jeune Domta, mais tu as utilisé. Et depuis le tir, je reste souvent seul. Le gel qui vient de la Confédération. Et grâce au nano. Moi, je joue avec une clé USB. Qui sont dedans. La balle a été phagocytée. Et depuis que j'ai mangé ce morceau de viande humaine. Je reste seule depuis un moment. Ah, t'as faim? Fais-toi plaisir. Et je bouge pas hein, quand tu me dis ça. Ah, bah fais ce que tu veux. Et je tire toujours après avoir éliminé le renégat, à moitié en fait, on s'en va. Dû quitter précipitamment. Précipitamment, Little O. Car notre identité a été dévoilée. Et il fallait pas que notre commanditaire puisse être identifié. Nous avons dû échanger notre identité, ce qui nous constituait, notre self, pour en prendre d'autres, et nous avons quitté la haute ville pour aller dans les basses eaux, nous faire un peu oublier. Et là, nous croisons, nous avons croisé ce négociant, ce rédacteur d'almanach, ce vieil homme, et tu as lu quelque chose en lui. Tu as lu... Pouk. Tu as lu quelque chose qui ressemblait à Pouk. Peut-être que celui que nous avons tué n'était pas le bon, parce qu'il ressemble étrangement à celui que nous venons de tuer. Moi, je ne le nous regarde pas. Nous n'avons pas accompli notre mission. Tout ça pour rien. On aurait tout à recommencer, ça. Non. Et moi... En tout cas, il était plein d'une fin étrange. Comme l'a suggéré Zinobert, il nous aurait dévoré tôt ou tard pour absorber tous les souvenirs qu'on avait et les reprendre dans ses feuilles. Peut-être que ces feuilles contiennent une mine de self. Ce sont plein d'identités et de souvenirs qu'il a volés. Peut-être est-ce mon ami qui a disparu mystérieusement, Sacha. Il va plus être très vivant maintenant. C'est toujours autour de tes amis, autour Qu'est-ce de toi, que tu as vu d'autres de, en lui. Quelque chose qui était présent en toi, présent en lui, et qui est maintenant à la commissure de ses lèvres qu'il a craché dans l'espace qui ont précédé sa mort. Celle qui était écrite dans les lames du tarot de l'oubli, exhumée des rêves de Zinobert. Les derniers mots que j'avais dit, c'était Sacha. Enfin, la dernière phrase que j'avais dit, c'est peut-être. Est-ce la réponse à la disparition de Sacha? Et je, après, je parlais plus. Dans les couloirs, il y a des têtes. Des têtes de pierre. De grandes statues. Des statues qui sont tout en tête, tout en... pierres, des pierres de vieux Bouddha recouverts de lianes. C'est ce que tu vois, toi. C'est ce qui te reste parce que quand on ôte la vie d'un homme, fut-il hors sein, on perd. Un sens. Non. Si, je perds. J'ai perdu un sens. On perd l'un de ses souvenirs pour en gagner. Gagner celui de cet homme. Et ce souvenir, c'est celui de ses écoles. Où je n'ai jamais été. Tu n'as pas fréquenté. Mais que lui a fréquenté. Les écoles, parents n'avaient pas l'argent. Aménagées dans les anciens bains-douches municipaux, à la lisière même du monde d'en dessous, là où les moins que rien, tels que... Toi moi, pardon. Que moi, que toi, sont relégués, ces endroits où quelques bonnes âmes dispensent leur savoir. Je n'en fais pas partie. Sur le Kalam, ils dressent des listes de prières vouées aux âmes emprisonnées dans les lianes. Il a dû être ce qu'il disait, un vendeur d'almanach. Probablement qu'il était un ancien professeur et qu'il était prisonnier dans ces caves inondées qui tenaient lieu d'école pour les plus défavorisés de Little Hope. Mais à force de boire l'eau souillée du dessous, de baigner au milieu des miasmes et des champignons qui poussent dans ces caves, a-t-il été rongé par le mal qui a enténébré son esprit et qui rejaillit sous la forme d'un gros ver bleuâtre, répugnant, tout scintillant d'une bave nacré qui s'éloigne maintenant de son corps, la gueule encore ouverte. Moi, je ne bouge pas et je regarde dans le vide. Enfin, je regarde dans le vide, mais on a l'impression que je regarde le lac. Et j'ai toujours un bout de bois dans la main. Il y a des... Il y a dans les faubourgs de Little Hope des rumeurs qui courent sur des gens avides qui dévoreraient les enfants, une légion de ces êtres porteurs de peau qui seraient devenus pareils aux rats noirs qui grouillent au tréfonds du bois. Et ça se mange, ça? C'est cette maladie qui a emporté tant et tant d'enfants. P. E. P. E. Chut. Et cette peste que tu supposes, peut-être aurait-elle son origine dans ces vers, ce vorace qui était au-dedans du corps de Poc. Votre défunt chauffeur. Je m'approche du ver tout en regardant le lac et je balance le bout de bois dans le lac. Je regarde le verre attentivement. Mickey. Pourquoi c'est ami Mickey? Pourquoi c'est ami Mickey? Ah oui. T'as sorti un obus de ton... Il y a un obus qui a explosé dans ton oreille. Je comprends plus grand-chose. Oh, c'est moi ou c'est une voiture qui vole? Dans les photos. Oui.